بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضل profitable dans le توحيد لا جورسبريدونس العقيدة par notre humble cheikh يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki حفظه الله تعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهله وصحبه وسلم ثم اما بعد. نعم الحمد لله nous sommes arrivés dans ce livre à la 11e et 12e question, celle d'aujourd'hui المساله الحادي عشر والثاني عشر فيما يتعلق بحكم تصوير ذوات الأرواح. Aujourd'hui, ça va être un cours qui va être, lui, être relatif aux représentations d'êtres vivants qui possèdent des âmes, ce qu'on appelle تصوير ذوات الأرواح. نعم. D'où le lien avec ce livre, c'est que tout simplement, l'origine du shirk, comme cela est arrivé avec le peuple de Nour, comme cela va venir, provient de là. Par le fait de façonner des images. Et que le shirk, l'origine du shirk, provient de là. Et comme la dernière fois, dans le dernier cours, nous avions pris qu'est-ce que le shirk, maintenant il va arriver au stade de dire comment ce shirk est arrivé. Et aussi, l'importance qui fait que ce point a été cité là, c'est que ce fléau, actuellement c'est un fléau qui a envahi les sociétés islamiques, c'est-à-dire ces représentations à travers les télévisions, à travers les photographies, à travers les dessins, et ainsi de suite, et les vidéos, et on en passe. Et que parmi les plus grandes victimes de ce fléau, les enfants. Car aujourd'hui, tu ne trouveras quasiment rien comme vêtements pour enfants, comme jouets pour enfants, les couches, et tout ce qui y ressemble, sans qu'il n'y ait d'image dessus. Les enfants sont les plus grandes victimes de ces gens qui aiment dessiner, ou photographier, ou filmer, ou ce genre de choses. Car cela rentre dans le cœur de l'enfant facilement. Et après, il s'y habitue, quand il est grand, la chose devient anodine. Il croit que c'est pas grave. Donc le shir a bien concentré ses efforts pour que l'enfant lui-même, lorsque demain on viendra lui apporter un cadeau contenant une image comme un vêtement, par exemple, que l'enfant qui aurait appris ce livre de lui-même dit « Non, c'est pas permis, c'est haram. » L'enfant de lui-même répond. Soit que, par exemple, il y a un débat entre le père de cet enfant qui serait un musulman salafi, par exemple, et une autre personne de sa famille qui pourrait être soit un kafir ou soit un muslim qui est ignorant, qui voudrait offrir un cadeau à un enfant avec des images, le père ou la mère n'aurait même pas à se fatiguer à débattre, expliquer les preuves. L'enfant lui-même refuserait, donc ce serait une facilité pour les parents. L'enfant lui-même dirait « moi je ne porte pas ça parce que c'est haram » et après sortirait la dilla qu'il aurait appris. Non. Et même s'il ne connaît pas la dilla, un hamshay, il comprend le hukm. Quand fayyam al hukm, il sait c'est quoi le jugement qui s'y rapporte, donc il refuse. Et ça c'est ni'ma. L'enfant est déjà éduqué, par exemple, on vient pour photographier, l'enfant dit non, Maya Jouz. Et il se cache, par exemple. Hein, on lui donne un dessin, et un t-shirt, par exemple, avec un dessin de tête de Mickey, ou je sais pas quoi, un truc qui ressemble. Lui-même dit non, la tête, faut la couper, par exemple. Ça, c'est Nirma. Ça, c'est-à-dire, l'enfant, Mashallah, il est sur une bonne fitra, et qu'il a bien compris des bases dans sa religion. Naam. Tayyib. Tout d'abord, taswir, le mot taswir, c'est le masdar du verbe sawwara. Nous avons un article sur le site Bifadlillah dans lequel bien nombre de hadillahs ont exposé pour démontrer l'interdiction de ces faits qui sont le fait de représenter des êtres vivants. Et quels que soient les instruments utilisés, qu'il s'agisse de crayons, qu'il s'agisse d'appareils photo, qu'il s'agisse d'une caméra, quel qu'il en soit, à partir du moment où tu représentes une créature contenant une âme parmi la création d'Allah, tout cela est égal. Donc pour en revenir au terme sawwara yusawwiru, c'est un terme, comme nous l'avons dit, qui est général, qui est le fait de donner forme à une image, que cela soit par une sculpture ou par un dessin, que ce soit une chose tridimensionnelle ou une chose bidimensionnelle, comme sur un dessin sur une feuille ou une statue, ce genre de choses. Tout cela est pareil, il n'y a pas de différence. Et Al-Musawwir min Asma'illah. Al-Musawwir min Asma'illah. Al-Musawwir, c'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous regardez dans le dictionnaire, qu'il soit arabe ou français, le mot sawwara, yusawwiru, veut dire tout ce qui amène à représenter. Et surah, alors là, surah, c'est une image. Donc ce n'est pas toute image qui est atteinte en islam. Des fois, les ulama disent, mayajouz, surah, masalan. Quand il dit ça, que l'image n'est pas permise, il veut dire par là les images contenant des êtres figurés. Bien entendu. Des fois, juste pour abrévier, pour abréger, ils disent pas surat min zat al-arwah, masalan. Mais on a compris ce qu'ils veulent dire. Mais ce n'est pas toute image qui est interdite. Donc nous disions ce mot, sawwara yusawwiru, son ism fa'il, c'est-à-dire le mot qui définit celui qui commet l'action, c'est al-musawwir. Al-musawwir, celui qui façonne l'image. Et vous pourrez le trouver également, comme tous les mots que nous avons dit. Ça pourrait être un photographe, ça pourrait être un dessinateur, ça pourrait être un caméraman, ça pourrait être un sculpteur, ça pourrait être. Beaucoup de choses. Et tout tourne autour du même sens. Le fait de façonner l'image. D'accord ? Le fait de façonner l'image. Et vous verrez que dans certains hadiths qu'on citera, bismillah, le mot musawwir ou surah sont utilisés de façon absolue, générale, sans qu'il n'y ait de précision pour dire telle ou telle ou telle image. Non, toutes les images qui comportent des êtres vivants, dotés d'âme, sont toutes comprises dans ce jugement, quel qu'il en soit. D'accord ? حفظه تعالى فإذا قيل لك فما حكم تسوير ذوات الأرواح فقول تسوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون متفق عليه وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ولعن المصور أخرج البخاري. Donc là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, s'il te dit, quel est le jugement du fait de façonner des images d'êtres dotés d'âme ? Alors dit que cela est parmi les grands péchés. Regardez bien, ce n'est pas simplement une marsiya simple, parmi les grands péchés. Et la preuve en cela, c'est le hadith rapporté par Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, parmi les gens qui subiront le pire des châtiments le jour du jugement, les façonneurs d'images. Al-Musawwiroun, comme nous l'avions dit, Musawwir, Musawwiroun, c'est le pluriel de Musawwir. Et Musawwir, c'est l'ism fa'il de Sawwara, qui veut dire façonner, et ainsi de suite. Et là, il est bien dit, Al-Musawwiroun, sans préciser de quelle façon ils s'y prennent. Al-Musawwiroun. L'autre hadith, Abi Juhayfa, radhiyallahu anhu, quand il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le prix du chien, c'est-à-dire le fait de vendre un chien et d'en prendre un salaire, d'en prendre le prix. Également le prix du sang, que le fait de vendre le sang n'est pas permis. Et la'ana al-musawwir, et qu'il a maudit le musawwir. Le musawwir qui est-il ? Celui qui façonne les images. Donc regardez un petit peu. Cela, ces hadiths-là prouvent que cela est parmi les grands péchés. Il y a un châtiment. Un châtiment qui plane sur celui, un dur châtiment. Comme à Kohal, in ashadennas, parmi les pires gens qui subiront le châtiment. Et également, la'anallah, que Allah les maudit. Cela amène à la malédiction. Donc, c'est pas une chose simple à prendre à la légère. Et que beaucoup de gens, les voient aujourd'hui, c'est une chose simple pour eux, sous couvert de divergence entre les savants. Les savants divergés. Taïeb. Là, dans son livre, Cheikh Moukbil, rahimallahu ta'ala, qui s'appelle Hukm Taswir Zawad al-Arwah, c'est-à-dire le jugement par rapport au Taswir, il a apporté un bête qui s'appelle Al-Bu'd An-Shubuhat, qui est le fait de s'éloigner des choses ambiguës. Cela mène à quoi ? Que toi, maintenant, là, tu es entre deux avis. Tu as l'avis de ceux qui l'interdisent. Et tu as l'avis de ceux qui l'autorisent. Ceux qui l'interdisent ont des preuves avec eux, soi-disant interprétables. Et ces preuves-là incluent un châtiment douloureux pour celui qui s'y oppose. Le hadith en lui-même te démontre qu'il s'agit là d'un grand péché. Un grand péché qui peut amener à la larna, la malédiction, ou qui peut amener à subir parmi les pires des châtiments Yom al-Qiyamah. Donc ça c'est d'une chose, d'un côté, les adillah qui sont là qui t'amènent à cela. L'autre côté, tu as des savants qui prennent ces adillah et qui les interprètent en disant non, cela ne concerne que Kaza et que Kaza et que Kaza et que Kaza. Donc là, au minimum, tu as un doute. Au minimum, tu sens aucun doute. Tu dis possible que, mais mon cœur se rassure par ceci, cela. Donc maintenant, je suis chez Moukbil par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a apporté dans son livre ? Le chapitre, le fait de s'éloigner des choses ambiguës. Il a apporté le hadith de Nu'man ibn Bashir, il dit « Inna al-halal bayyin wa al-haram bayyin » que le halal est clair et le haram est clair. « Wa baynahuma umurun mushtabihat » entre les deux, des choses ambiguës, à équivoque. « La ya'lamuhunna kathir min an-nas » que beaucoup de gens ne connaissent pas. Que celui qui délaisse les choses ambiguës, c'est certes préservé dans sa religion. Et que celui qui tombe dans les shubuhat est tombé dans le haram. À l'exemple de quoi ? Du berger qui amène son troupeau auprès d'un pâturage interdit et sur le point de rentrer dedans. Le hadith, le fameux hadith qui est connu, chez Al-Bani Nawawi. Donc regarde bien. Ce hadith t'amène à quoi ? À savoir quelle attitude adopter dans ce genre de situation. Tu as une chose claire. Tu as une chose qui l'est un peu moins. Entre les deux, c'est embrumé. Donc qu'est-ce que tu vas choisir ? Si tu es quelqu'un qui fait preuve de taqwa et de wara, tu te dis, comme je ne sais pas, je ne le fais pas. Comme je ne le sais pas, je ne le fais pas. Au minimum, on dit que tu n'es même pas sûr, eh bien l'attitude à adopter là-dedans, c'est d'éviter et de délaisser. Et ce hadith, le shir l'a mis parmi les... c'est le premier chapitre qu'il a mis dans son livre. Car il sait que les gens, justement là-dessus, peuvent être troublés. Hein, que les gens peuvent être troublés. Ensuite, il cite différents hadiths qui amènent également des hadiths qui démontrent l'ordre et l'obligation d'effacer toutes images. Comme le hadith de Ali, radhiyallahu anhu, sallallahu alayhi wa sallam, « La tadar kabran mushrifan illa sawaita wa la surah illa tamasta » que tu ne laisses pas une tombe élevée sans que tu ne la planifies, c'est-à-dire que tu la rabaisses, et sans que tu ne laisses pas une image sans que tu l'effaces. Et regardez, ces deux choses-là, les tombeaux élevés et les images sont deux grandes causes de shirk. Donc les deux n'ont pas été liés pour rien dans le hadith. Et d'autres hadiths sont venus pour interdire le fait de faire des images. Donc maintenant on demande à ces gens qui disent non, une caméra n'est pas comme un appareil photo. On va dire c'est quoi la différence ? L'appareil photo, l'image elle est figée, alors que la caméra elle bouge et des fois c'est en direct. On dit déjà à la base, il est connu qu'une caméra sont des images figées qui défilent à une vitesse hallucinante qui font que ça bouge. Si demain j'appuie sur pause sur l'image figée, elle vient quoi, une photo ou pas une photo? Donc l'origine c'est que c'est une photo, c'est une image. Ça s'appelle Soura. Donc il n'y a pas de différence. Deuxièmement, certains disent non, ce n'est pas toi qui filme, ou du moins qui reproduit, c'est l'instrument. Et bien là-dessus, je crois que c'est Shia Fozen, elle a dit ben, demain je prends une arme, hein, je prends un revolver, je te tire dessus, je dis c'est pas moi qui t'ai tué, c'est le revolver qui t'a tué. Ce n'est pas moi qui t'ai tué, c'est le revolver qui t'a tué. C'est aussi logique que cela. Ça ne tient pas debout. Dire c'est pas moi qui ai filmé, c'est la caméra. Mais la caméra, elle a été fabriquée par quelqu'un. Quelqu'un a appuyé sur le bouton qui déclenche l'enregistrement. C'est qui ? La caméra, elle n'est pas intelligente, elle fait rien toute seule. Elle a forcément soit été programmée ou soit tenue par quelqu'un qui filme. Voyez, maintenant on a d'autres preuves que j'ai déjà exposées une fois dans un dersh, je ne me rappelle plus lequel. Pour ceux qui se font filmer, soi-disant, pour faire des muhadara et je ne sais quoi. Déjà, leur premier argument, c'est quoi ? Un, c'est la divergence, soi-disant. Deuxièmement, shirfoulan un tel, ils le font. Comme si shirfoulan un tel, c'était eux que Allah SWT avait envoyé pour suivre. Deuxièmement, vous regardez bien que la plupart des gens qui prennent comme exemple sont qui ? Shir ben Bez, rahimahullah ta'ala, qui était filmé. Et cela malgré lui, alors qu'il a été clair que lui, pour lui, c'était interdit dans l'absolu. Il était clair, Shabban Bez. Donc, l'argument Shabban Bez a été filmé, ce n'est pas un argument. C'est celui qui fait ça. Il est, s'oppose à ce qu'il avait à son décret. Et Shir Abdurakib Kokabani, dans les questions que je lui ai exposées il n'y a pas longtemps sur Belux, il a cité que Shabban Bez a dit qu'il pardonne tout, en général, à ceux qui l'ont fait du mal, sauf ceux qui l'auront filmé, qui l'ont photographié. Regardez un petit peu. Yom al-Qiyamah ne leur pardonnera pas. Et je lui pose la question après. Est-ce que cela inclut également ceux qui diffusent et propagent ces photos et ces vidéos? Il a dit, ça l'inclut aussi. Hein? À plus forte raison, ça l'inclut. Ça l'inclut. Donc là, ces gens-là, regardez, ils disent, moi j'ai mis le savon, bah déjà le savon, il t'a dit, fais pas ça, tu le fais quand même. Tu ne respectes pas sa décision. Donc t'es pas sincère. Après, il y a qui? Cheikh Al-Othaymin, Rahimahullah Ta'ala. Cheikh Al-Othaymin, nous, on a. Il s'est fait filmer, en effet. Il y a une vidéo qui tourne, je ne l'ai pas vue, moi, je ne l'ai pas vue. Des frères m'ont dit, dans laquelle, à la fin de sa vie, il a fait Toba et qui revenait sur ce jugement-là. D'une part. Et d'autre part, il voit que le fait de filmer, ou plutôt les photos, la fatwa, voilà, il a été conseillé par un des machiers, mais sur la Nasiha, il ne nomme pas c'est qui. Et il dit, moi, je n'ai jamais autorisé les photos, ce genre de choses. Juste celles qui sont pour la daroura, comme les passeports, les cartes d'identité, et ce genre de choses. Des choses qui sont indispensables. Aujourd'hui, on ne peut y échapper. Sinon, le reste, je vois que c'est interdit. Donc, Cheikh Al-Othaymin aussi, vous pouvez le mettre de côté. Parmi les vivants, il y a qui? Cheikh Al-Fawzan qui s'est filmé. On a mis des fatwas claires où Cheikh Al-Fawzan, il dit clairement qu'il voit que c'est interdit. Même s'il s'est filmé lui, cela est peut-être contre son gré, qu'il n'agrée pas. Et les preuves sont dans les fatwas avec les audios sont présents, pour ceux qui veulent revenir. Donc, après, il reste d'autres savants qui l'ont fait. Non, en effet, ils l'ont fait. Mais comme nous disons à chaque fois, que ce soit les photos, que ce soit les djamaïa ou autres, on demande aux gens quelles sont les preuves qui font sortir ces hadiths de leur obligation ou leur interdiction ou de la menace. C'est quoi? Car à la base, dans le fiqh, on sait que lorsqu'on a une preuve d'une chose qui est obligatoire ou interdite, par exemple, l'Amir Salam, il dit un ordre. Il donne un ordre sur un hadith. L'origine, c'est que l'ordre, c'est l'obligation. L'origine, c'est que l'ordre amène à l'obligation. Donc maintenant, les savants disent, pour passer à l'état de mustahab, de recommandé, il faut qu'on ait une autre preuve qui indique en fait cela c'était un ordre absolu, mais une chose recommandée. Comme par exemple, l'exemple qui est souvent cité, le fait de boire debout. Un Nabi Sallam l'a interdit. Et après, il a été vu en train de boire debout. Donc cela démontre que cela est mustahab. Ou makruh plutôt. Donc maintenant, on demande à ces gens, qui parmi les sahab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, quelles sont les preuves qui amènent à ce que ce fait, le fait d'interpréter ce hadith du taswir, sort de son interdiction dans l'absolu et qui a un détail sur la question. Personne n'a donné. Juste des gens viennent avec des choses de leur tête. Je pense, je vois, mais il apparaît que, ainsi de suite. Nous on dit non, c'est pas comme ça qu'on marche. Là on a des hadiths avec un dur châtiment. On va pas jouer avec. Un dur châtiment. Donc pour que ce châtiment, nous, on l'oublie, il faut que vous veniez avec une chose qui fasse qu'il tombe. Et jusqu'à présent, personne n'a rien apporté. Bilachek. Deuxième chose que l'on peut citer par rapport à ces tafouirs, et là je vise plus ces petits jeunes-là, pas trop les ulama, parce que, inch'Allah, les ulama, c'est sûr qu'ils n'auront pas le même jugement que les ignorants qui les suivent. Le alim, souvent, comme Kama Kalal Nabi Salam, il est ijtahada, hein, fa asab fa lahu ajran, ou il est akhta fa lahu ajran. Le alim, qui fait un effort de compréhension et qui se trompe, vous le savez, et qu'il est sincère dans ce qu'il recherche, il aura deux récompenses. Et s'il se trompe, une seule. Ce hadith-là s'applique sur qui? Sur le alim, pas sur tout le monde. Donc maintenant, ces petits prédicateurs que l'on voit qui sont filmés à droite à gauche partout, on leur dit, d'accord, toi demain maintenant, dans le Coran, fi surat an-nur, wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna, wa qul lil mu'minin yaghuddna min absarihim, dans le sens, pas le verset mot à mot, mais dans le sens, dis aux croyantes qu'elles baissent le regard. Et dis aux croyants qu'ils baissent leur regard. On fait quoi ces versets? Demain, tu viens, tu fais une vidéo, on voit ta tête dessus là. Je pense pas que cette vidéo soit réservée aux frères. Elle est sur YouTube, elle est sur je sais pas quel site. Je pense pas que le frère qui s'en filmé dit non, moi je veux être filmé juste pour les frères, pas pour les sœurs. J'ai jamais vu ça pour ma part. Donc maintenant, cette sœur va te regarder. Alors avant de te regarder, on demande Bilal Alek à ce prédicateur. Cette sœur a-t-elle le droit de te regarder sur ta vidéo? En train de parler, sourire, bouger les bras, machallah, avec ta belle imama, ton beau camis blanc, des belles dents blanches et tout. Propre. Cette soeur peut te regarder. Si tu dis oui, c'est quoi le dalil? S'il dit oui, c'est quoi le dalil? Et s'il dit non, je dis, bah maintenant, pourquoi l'homme pourrait-il te regarder et pas elle? Parce qu'il n'y a pas de barrière. Aucune interdiction. Et j'ai pas vu, moi peut-être vous l'avez vu, moi je suis pas au courant, j'ai jamais vu un prédicateur, un da'i se faire filmer et dire, cette vidéo, que les femmes ne la regardent pas, c'est interdit. Juste les frères qui la regardent. J'ai jamais vu ça, vous, jusqu'à présent. Ou même, autre que prédicateur, un frère qui aime les vidéos. T'es pas jaloux, t'es assis devant ton écran avec ta femme et regarde Foulen en train de parler. Foulen, se trouve, il est... Déjà, il est plus avant que toi, si jamais il est sur une vidéo, Allah alam. Et sur la vidéo, c'est sûr qu'il va être propre, il va être bien habillé, il va bien parler, il va être éloquent, il va bien se tenir. T'es pas jaloux, ça te fait rien, ta femme regarde un autre homme. Tu sais qu'elle peut pas être faite par lui. Non, elle est. Quoi, tu penses que cette femme-là, machallah, c'est un être. C'est, je sais pas, moi, c'est comme dans les films. C'est la. Comme on dit, l'amour platonique, jamais elle va. Elle peut pas être attirée par quelqu'un d'autre que toi, tu penses. Alors, si c'était pas le cas, pourquoi il y a toutes ces preuves qui interdisent la mixité, de baisser le regard, ainsi de suite? Pourquoi? La femme peut être éprouvée par la beauté d'un homme, par son éloquence, par plein de choses. Et toi, ça te fait rien. Regarde un autre frère comme ça te fait rien. Se trouve, il est plus jeune que toi, il est de son âge, de sa génération, ainsi de suite. Ça te fait rien du tout. Adi. Adi, ces gens-là, comme ils raisonnent. La jalousie, elle est vraiment. Donc on leur dit, qui c'est qui a fait la séparation entre les hommes et les femmes? On ne la connaît pas. Si des gens disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des khutbas, il allait voir les frères, les femmes à Fouen, déjà premièrement, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le statut du émir, du gouverneur. Il avait le statut du walid, du wali. Il pouvait être un père pour les femmes. Il était un père pour les femmes. Il était un wali pour les femmes qui n'avaient pas de wali, et ainsi de suite. Ça, c'est juste qui était propre à lui, pas à tout le monde. Il n'y a que lui qui l'a fait. Il n'a pas été apporté aux sahaba qui l'a fait après lui. Donc cela mine khassa ici, parmi ses spécificités. Donc cela, c'est parmi les arguments qui démontrent que ces vidéos sont une chose qui tombe dans la mukhalafa du taswir dans la al-arwah, purement. Et que yom al-qiyama, al-alim fulani aftabi, jawaziha, ce n'est pas une hujja. Que le sabbat fulani, Allah les a autorisés, devant Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sera pas une hujja pour ceux qui auront eu. Les hadiths et tout, tu as vu la parole du prophète que pourquoi donc ce alim a été mis en premier. Pourquoi? Et vous regardez bien, il y en a ici pour rien aussi. En disant Darura, je sais pas quoi, les vidéos ça y va, tout va. Pour n'importe quoi, et n'importe quand, et n'importe comment, on filme, à tout va maintenant. À tout va, on filme. Et ça c'est un fléau. Voilà, Moustahan. Donc c'était le premier point. Que celui qui filme, qui dessine, qui photographie, qui sculpte, qui donne toute. Forme, qu'elle soit, comme nous l'avons dit, tridimensionnelle ou bidimensionnelle, qui donne forme à une créature dotée d'une âme, d'un être vivant, et sous la menace d'un grave châtiment. Sous la menace d'un grave châtiment. Qala fa idha qila lak fa ma ta'alluq taswir zawat al-arwah bi-shirk. Fa qul inna taswir khalqun yakunu bihi musawwir mudahiyan. ومشاركا لله عز وجل في ذلك والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يداهون بخلق الله متفق عليه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي متفق عليه. Donc il dit, s'il te dit, quel est le lien qu'il y a entre le taswir, zawat al-arwah, et le shirk? Il dit, déjà, le taswir, c'est le fait de faire une forme de création. Et que le créateur, ou plutôt Afouen, le façonneur d'image, le musawwir, tente d'imiter Allah dans sa création. Et tente de s'associer à Allah en cela. Et la preuve, c'est le hadith rapporté par Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, les gens qui auront le plus dur châtiment yom al-qiyama, ceux qui tentent d'imiter Allah dans sa création, de le concurrencer, comme on dirait, dans le sens. Hadith muttafaqun alayhi. Et l'autre hadith, qui est celui de Abu Huraira, où il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, il dit quoi? Et qui donc est plus injuste que celui qui va pour tenter de créer comme ma création. Muttafaqun alayhi. Là, il y a une bonne choubouhette à laquelle Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, a réfuté dans un de ses audios, dans Sulat Oudawun Nour, dans lequel il a un débat avec une personne qui, elle, voit le fait de filmer. Il dit, par exemple, moi, quand je filme, je ne tente pas, mon intention n'est pas de chercher à imiter Allah dans sa création. Ce n'est pas ma niya quand je fais ça. Donc le hadith s'applique pas sur moi. Donc il lui dit, Cheikh Al-Albani, il dit, Tayyib, et Aïcha, quand elle a mis les rideaux avec dessus les images des oiseaux, penses-tu qu'elle a osé vouloir imiter Allah dans sa création? Et là, l'interlocuteur n'a pu répondre. Il dit donc, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et a arraché les rideaux. Donc est-ce qu'elle est, tu es meilleur qu'elle? Il va dire non. Donc elle n'a pas contesté, elle n'a pas dit mon mania, ceci, cela. Elle a obéi direct. Donc pourquoi toi aujourd'hui tu débats, tu contestes? Qui va oser dire que Aïcha a eu cette niya dans son cœur? Personne ne l'a dit. Et malgré cela, Allah, c'est comme le fait de laisser le vêtement traîner sur les chevilles. Que cela est du kibr, de l'orgueil. Quelqu'un pourrait dire, moi j'ai pas de kibr, j'ai pas d'orgueil quand je le fais. On dit, même tu n'en as pas, tu rentres dedans parce que le Nabi Salam a dit que cela en faisait partie. Et si tu viens avec le hadith de Abu Bakr al-Siddiq, on dirait que lui ne faisait pas exprès car en fait il avait un vêtement qui était trop grand pour lui, qui tombait et que lui à chaque fois essayait de le remonter. Il ne faisait pas délibérément comme toi qui marches avec ton camis qui lave les rues. Ça n'a rien à voir. Donc là ça s'appelle la falsafa, la philosophie, de vouloir débattre alors qu'il n'y a pas d'argument. Et il y a plein de preuves sur cela, le fait de filmer, le fait, et ainsi de suite. Donc le lien également parmi le qui est entre le taswir et le shirk, c'est le hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas dans Sahih al-Bukhari. Shabogwil voit qu'il est faible. Il voit qu'il est plutôt qu'il est muntaqad, qu'il est discutable. Que c'était le peuple de Nuh alayhi salam qui furent les premiers à il y avait des hommes pieux dans leur époque qui périrent. Donc pour se rappeler d'eux, Shaitan est venu les voir pour leur dire et si jamais vous faisiez des images à leur effigie afin de pouvoir vous souvenir d'eux et peut-être pouvoir être plus mujtahid dans les ibad en s'appelant d'eux. Et cette idée leur a plu. Donc ils ont commencé à faire des représentations de ces personnes-là. Ensuite, Shaitan est arrivé, il a dit, et si jamais chacun d'entre vous faisait des figurines de ces gens-là dans la propre maison afin de se rappeler d'eux. Et leur a enjolivé, c'est Wasayawis, comme on dit. Et ils ont agi de la sorte. Ils ont pris ces personnes-là, ils ont représenté chacun dans leur maison. C'est-à-dire dans la maison des gens. Ensuite, avec le temps, les gens ont oublié la cause de ces représentations et avec le temps, avec les générations, ils sont mis à les adorer. Les divinités qui sont citées dans Surat An-Nur, alayhi salatu wassalam. Donc on dit également l'origine du shirk vient du taswir. L'origine du shirk vient du taswir. Donc celui qui a une raïra pour le tawhid délaisse les choses qui y mènent, bien que le taswir n'a pas été considéré comme étant du shirk asrar. Donc les gens qui se disent défendant le tawhid, que font-ils de ces hadiths-là? Que font-ils de ces hadiths-là? Tout ça pour Shir Fulan Qal. Ou Shir Fulan Qal. Donc de là, le taswir a un lien avec le shirk. Se basant sur le tasrih de ce hadith, l'origine du shirk provient de ce hadith, pour qui voit son authenticité. Naam. Et il y a plein, Inch'Allah, bifadlillah, j'ai pu traduire ce livre de Shamboubil qui sera, on espère, édité prochainement. Naam. Également, parmi les choubouettes qu'ils ont, celle du miroir. Que le miroir, fi soura, il y a une image. Donc il dit, maintenant si j'ai une image dans ma maison, je vois pas la différence qu'il y a entre le fait de filmer en direct et de me regarder dans le miroir. Déjà on dit, le miroir est une chose qui est naturelle. Il n'y a personne qui tient une caméra ou un stylo ou quoi que ce soit. Donc sur qui donc plane la menace d'Allah dans ses hadiths? Le miroir il n'est pas mukallaf. C'est pas un être humain, c'est pas un djinn. Donc, cette menace ne s'applique pas sur personne, donc le miroir, ça n'a rien à voir. Le miroir est une chose naturelle. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths sont venus qui se regardaient dans le miroir. Et il y a une ziyada qui est venue, mais elle était faible, qui disait Allahumma arsin adhun c'est akhlaqi kama arsanta khalqi. Yannick, il disait devant le miroir, améliore mon comportement tout comme tu as amélioré mon apparence. Mais cette partie-là, sous ta joue, il est faible. Mais il était rapporté de lui qui s'est mis devant le miroir. Donc le miroir n'est pas une hujja également. En ce qui concerne le jugement des images, beaucoup de gens ont l'ambiguïté que l'image, pour la faire disparaître, il faut enlever les yeux, le nez, ce genre de choses. Non. Car les hadiths qui sont venus indiquent qu'il faut couper la tête complètement. D'accord ? Qu'il faut couper la tête complètement. Comme cela est venu dans le hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, radhiyallahu anhu, sorti par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait un mou'id à Jibril, alayhi salam, et qu'il n'est pas venu. Et lorsqu'il est venu le lendemain, il lui a dit, nous avons rendez-vous toi et moi hier. Et je ne suis pas venu à cause de quoi? De la présence du chien qu'il y avait dans la maison, et de la statue en forme d'homme qui est devant la porte. Donc, fais sortir le chien de la maison et coupe la tête de la statue afin qu'elle prenne la forme d'un shajara, la forme d'un arbre. Il ne lui a pas dit enlève les yeux, enlève le nez, enlève la bouche. Il lui a dit coupe la tête afin que cette statue prenne la forme d'un arbre. Donc de là, le hadith, il est clair que celui qui a une photo ou un dessin sur un de ses vêtements qui n'aurait pas le détérioré, par exemple, le but, là, c'est de couper la tête de cette représentation. Même des choses figées, comme par exemple, je sais pas, moi, demain, tu aurais le chien dans le livre, le site, par exemple, une étoile de mer, et là, tu la coupes, ça fait prendre la forme d'un arbre. Par contre, en ce qui concerne des fatwas qu'on avait demandé, des objets, par exemple, auxquels on aurait attribué un visage humain. Par exemple, je sais pas, moi, une voiture, on lui fait une tête d'homme, des yeux, un nez, une bouche, une voiture. Et bien là, oui, t'enlèves les yeux, t'enlèves le nez, t'enlèves la bouche, ce genre de choses. Tout ce qui fait représenter le visage. Elle n'a pas de tête, tu pourras pas couper la tête, elle n'a pas de tête, la voiture. Mais t'enlèves les choses qui amènent à ce qu'elle soit, à ce qu'elle représente le visage humain. Ça va avec. Ah, mais les autres, tu peux couper la tête, tu coupes la tête directement. Hada wal ahsan, wa hada wal atqa. Et quant au hadith de Aïcha avec le cheval ailé, Cheikh Mokbil explique comme étant que cela n'est pas une hujja, car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce cheval ailé, il a demandé qu'est-ce que c'est. Cela démontre que cette créature ne ressemblait pas à ce que l'on pourrait croire. Elle n'avait pas vraiment d'apparence définie. C'est Aïcha qui le dit, c'est un cheval ailé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, il ne savait pas ce que c'était. Donc cela démontre que cette représentation n'était pas une chose clairement sous la forme d'une créature. Alors qu'aujourd'hui, comme le dit, les jouets que l'on fait, les figurines, sont des répliques parfaites de l'être humain, des animaux. Au détail près, il y en a même, ils bougent les yeux, t'en as, ils font plein de choses, comme les êtres humains. Pareil, ils parlent, ils bougent, tout. Donc cela n'a rien à voir. Ce hadith de cheval ailé n'est pas une hujja également pour cela. Et quant au jour des salafs qu'ils faisaient pour les petites filles, c'était des chiffons, des bouts de chiffons, ainsi de suite, qui n'avaient pas l'apparence comme les poupées actuelles. Non. Donc ça c'était ce qui était rapporté à ce dersh d'aujourd'hui par rapport au taswir, on pourrait en dire long. Le frère Mounir, il a un audio qui va arriver propre à cela. Il y a un article sur le site pour ceux qui veulent savoir, et également le livre Biznella, dont la traduction viendra, sera bientôt apparaître, on l'espère. Naam. Fabi hadha al-qadr naktafi wa naqul subhanaka allahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com.